Leçon 17. 17e leçon. Guy Martin reçoit un visiteur. Première partie. Monsieur Houbé vous parle. Il est difficile de trouver une seule chambre à Paris en été. Parce que les hôtels sont remplis de touristes. Sur les portes d'entrée, on voit la pancarte complet. La plupart des théâtres et beaucoup de restaurants sont fermés. C'est le mois de la fermeture annuelle. Le mois des congés payés. De plus en plus, l'administration essaie d'encourager les gens à prendre leurs vacances en juin et en septembre.